Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 2 février 1653. Oui, exactement, c'est le jour de la naissance de New York, figurez-vous. En tout cas, le jour où le site s'est doté d'une municipalité, pour être très précis. Notez que la ville ne s'appelait pas encore New York, à l'époque c'était la Nouvelle-Amsterdam. Et pourquoi donc a-t-elle changé de nom? Ah ben parce qu'elle a changé de propriétaire. Ah. C'est une longue histoire, je vous résume ça. En 1523, François Ier se laisse convaincre par un navigateur florentin vers Asano de financer une expédition. Il cherchait un passage vers le Pacifique en passant par l'Ouest, c'est la grande affaire du XVIe siècle ça. Verrazano s'embarque à bord de son bateau, la Dauphine. Il devient le premier Européen à jeter l'ancre dans la baie de l'actuel New York et il appelle ça Nouvelle Angoulême. Parce qu'avant de devenir le roi François Ier, on parlait du comte d'Angoulême. Nouvelle Angoulême, Nouvelle Amsterdam, ça en fait des noms, dites-moi, pour un seul endroit. Mais ça c'est le nouveau monde, hein. Chaque fois qu'une puissance prend possession d'un territoire, elle y appose sa marque en quelque sorte. Cette nouvelle Angoulême est bientôt délaissée par la France qui a d'autres priorités. Ce sont les Néerlandais qui vont donc prendre possession de la terre. En 1623, des colons s'installent à cet endroit qui s'appelle donc Nouvelle-Amsterdam. Ils achètent même les terres à des occupants, les Amérindiens du coin qui s'appellent les Manhattan. Ils achètent ça pour une poignée de florins et quelques verroteries. Ils y laisseront quand même leur nom, c'est Manhattan. Évidemment. Et le 2 février 1653, le lieu donc devient officiellement une ville et une dizaine d'années plus tard, la domination britannique va prendre le pas sur celle de la Hollande. La nouvelle Amsterdam devient Nouvelle York, New York, et alors cette fois c'est en hommage à Jacques II qui était duc d'York. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une émission consacrée au grand chorégraphe Maurice Béjart.